Marie a demandé si elle pourrait, en frottant ses mains, produire des lumières. Eusapia a dit qu'elle pouvait, mais qu'il ne fallait pas rompre la chaîne. Marie s'est retournée et a frotté ses mains. Eusapia lui a dit de ne pas s'éloigner. Marie s'est rapprochée de l'homme et a continué à frotter ses mains. Rien ne s'est produit. Eusapia a dit à Marie de tourner les doigts vers la table. On a vu une étincelle. Eusapia a touché les cheveux de Marie. On a vu une lumière sortir de sa tête. Elle a dit que la vibration qui nous anime est vivante, qu'elle est l'expression momentanée de la vie universelle travaillant en nous et se manifestant autour de nous.